Attention, message personnel, panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ha ha, nous revoilà. C'est donc la panique en direct du Mangin Palace, épisode 81. Bienvenue à toi dans ce monde archi-loufoque et total foutraque où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores orchestrée par une bande de doux dingues. La machine est prête et, a priori, nous serions ce matin, le dimanche 3 juin 2007, 11h05. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es gamin des favelas, tu es Christ du Corcovado, tu es Garincha dans la Seleção, tu es Carioca sur Copacabana, tu es Fleuve Amazon et tu es aussi à... Rio ? Oui, à Rio ! Rio de Janeiro ! Brésil ! Ça ne te dit rien ? Le Brésil ! Le Brésil ! Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es brésilien ou brésilienne et tu danses la samba. Alors, avant-hier, nous avons appris par l'intermédiaire du journal brésilien O Globo que le pape Benoît XVI et son secrétaire d'État seraient entrés au Brésil sans papier ni passeport, dis donc, lors de leur visite officielle il y a 3 semaines. Ainsi, immédiatement, bon sang, la panique au Mangin Palace a voulu savoir en 53 minutes s'il était aussi facile de se rendre au Brésil. Et pour commencer, de la conquête portugaise à la victoire de président Lula, il faut te raconter l'histoire de cette immense cité sud-américaine entre forêt vierge et urbanisme débridé. Ensuite, durant quelques minutes, nous essaierons de passer en revue les quelques images d'Épinal qui collent à la peau bronzée du Brésil. On enchaînera d'ailleurs par une petite surprise fabriquée par la panique qui viendra te rappeler combien le ballon rond est une religion au Brésil. Et puis, dans la foulée, nous te révélerons les coulisses de ce voyage discret à Rio de Janeiro que se sont organisés en loose day cette semaine, président Chirac et Dominique de Villepin, dans l'espoir bien sûr de se requinquer après leur départ forcé des palais nationaux. Et enfin, te raconter la folle soirée de Monique et Jean-Claude chez Robertão, un club brésilien près de chez eux où ils se sont rendus le week-end dernier pour apprendre à danser la samba. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et tout le monde en string. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Fusca um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, sou um menino de mentalidade mediana. Pois é. Mas assim mesmo feliz da vida, pois eu não devo nada a ninguém. Pois é. Pois eu sou feliz, muito feliz comigo mesmo. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Beleza. Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Sambaby, eu posso não ser um bando líder, mas assim mesmo lá em casa todos meus amigos, meus camaradinhos me respeitam. Da simpatia, do poder, do algo mais e da alegria. Moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão, sou flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Abençoar por Deus e poder por natureza. Mas que beleza! Em Eu sou Flamengo, tenho manete a bater. Eu sou Flamengo, manete a bater. Eu sou Flamengo, tenho manete a bater. No meu Brasil, moro num país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza. Mas que beleza! Em fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusca e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. País tropical, c'est le grand succès de Jorge Ben en 1969. Parce que dans son país, le Brésil, donc, Jorge Ben, quand il mange tropical. Alors ce matin, la panique au Mangin Palace traverse l'océan Atlantique pour passer 53 minutes en compagnie de nos amis les Brésiliens. Et pour commencer cette escapade dominicale, nous avons décidé de survoler les temps forts de l'histoire du Brésil. Les Indiens Tupinambas vivaient tranquillement leur vie de chasseurs-cueilleurs sur les rives de l'Onéroc, de l'Orénoque et de l'Amazone quand ils rencontrèrent, en 1499, un compagnon de Christophe Colomb, un certain Vicente Pinzon, un navigateur espagnol de passage dans la région. Mais le véritable découvreur du Brésil, c'est Pedro Alvarez Cabral qui prend possession des côtes brésiliennes en 1500 au nom de la couronne portugaise. Deux ans plus tard, en 1502 donc, l'Italien Amerigo Vespucci, alors au service du Portugal, découvre une immense baie sur les côtes de ce qui semblait être de plus en plus un nouveau continent. Croyant avoir affaire à un fleuve, et comme nous étions en janvier, Amerigo Vespucci offre un nom tout approprié à sa découverte. Des forêts où les filles viennent danser, mais surtout où les colonisateurs font travailler les Indiens comme esclaves. Car pour exploiter ces nouvelles terres, il faut des bras. Mais en 1550, en Europe, à Valladolid, l'Église catholique organise une controverse au sujet des Indiens, une controverse présidée par le légat du pape Paul III. Nous sommes ici pour décider de la nature des Indiens, s'ils ont une âme semblable à la nôtre. Ils peuvent prétendre à la vie éternelle. Demande clairement votre avis. Aristote l'a dit très clairement. Certaines espèces humaines sont faites pour régir et dominer les autres. À votre avis, c'est ici le cas? Oui, éminence. Ils sont esclaves par nature. Autre chose. Vous rapportez les sacrifices sanglants qu'ils font à leur dieu. Ces Indiens sont des sauvages féroces. Non seulement il est juste, mais il est nécessaire de soumettre leur corps à l'esclavage et leur esprit à la vraie religion. S'ils ne sont pas des êtres humains du même niveau que le nôtre, s'ils sont proches des animaux, peut-on leur reprocher ces sacrifices? Vous voyez ce que je veux dire? Eh oui, on voit bien, lors de la célèbre controverse de Valladolid, que le dominicain Bartolomé de Las Cases réussit, face au virulent théologien Sepúlveda, a prouvé que les Indiens d'Amérique étaient des hommes et ne pouvaient donc pas être réduits en esclavage. Commence alors, pour les peuples d'Afrique, la sinistre période de la traite négrière. Le Brésil est le pays qui a reçu le plus d'esclaves et, de ce passé négrier, le Brésil conserve une population forcément métissée. J'aime ta couleur café, tes cheveux café, ta gorge café. J'aime quand pour moi tu danses, alors j'entends murmurer tous tes bracelets, jolis bracelets. À tes pieds ils se balancent. Couleur café, j'aime ta couleur café. J'aime ta couleur café, mais aussi ta canne à sucre et tes bois exotiques. Le Brésil possède des richesses fabuleuses que les Européens ne cessent de convoiter. Le pays reste d'ailleurs sous domination coloniale du Portugal jusqu'en 1822, date de l'indépendance déclarée par Pedro Ier, empereur du Brésil. En 1889, La République est proclamée, mais elle reste aux mains de la minorité blanche, à savoir des grands propriétaires. Grâce à ses richesses, le Brésil se développe rapidement tout au long du XXe siècle et s'offre même, en 1960, une capitale au milieu de nulle part. Ce paysage de savane, c'est le centre géographique du Brésil. C'est l'emplacement qui a été choisi par un groupe d'économistes, de politiciens et d'urbanistes pour la construction d'une ville entièrement artificielle, créée uniquement par la volonté des hommes, pour être la capitale de l'an 2000. Brasilia, la seule ville au monde construite en fonction de l'avenir, vient de célébrer son premier anniversaire. Cette ville a été dessinée par un urbaniste, M. Lucio Costa. Les bâtiments officiels ont été construits par un architecte célèbre dans le monde entier, Oscar Niemeyer. Celui qui, devant l'histoire, sera le seul responsable de la réussite ou de l'échec artistique de cette ville. Les responsables de la réussite ou de l'échec de la démocratie au Brésil relèvent en effet de l'art du machiavélisme. En 1964, le président de la République brésilienne, João Goulart, est renversé. C'est le début de 20 ans de dictature. Voici une semaine à peine, le président de la République, Jean Goulart, paraissait avoir la situation bien en main. Homme de gauche, il venait de décréter des nationalisations massives. L'armée semblait fidèle. En fait, elle l'était dans sa plus forte partie, les sous-officiers faisant bloc avec le gouvernement contre la plupart des généraux. Goulart l'emportait une fois de plus, malgré l'inflation monétaire, la corruption, les désirs aussi des classes possédantes. Et brusquement, le Brésil entier changeait de visage. Deux morts seulement peut-être au cours de cette révolution, mais en trois jours, Goulart devait s'incliner. Pour éviter, devait-il déclarer l'effusion de sang, il vient de chercher asile en Argentine. Monsieur Johnson a parlé du Brésil dans la conférence de presse qu'il a donnée hier. Pour lui, le changement de gouvernement s'est fait sans effusion de sang et dans ce qu'il appelle le respect des règles constitutionnelles. Les États-Unis sont prêts à aider le nouveau gouvernement. Les règles constitutionnelles brésiliennes auraient donc, selon les États-Unis, été respectées lors du coup d'État de 1964. Peu étonnant, car la CIA a largement contribué à installer la dictature au pouvoir, une tradition qui va du Chili de Pinochet au Venezuela de Chavez. Ah non, là, ça a échoué. La dictature au Brésil a pris fin en 1984, mais la démocratie retrouvée souffre alors de la corruption et du pouvoir des grands propriétaires. En effet, la concentration foncière laisse peu de place aux paysans sans terre. Alors bien sûr, quand en 2002, un homme issu du peuple est élu président après trois échecs, c'est la joie chez les plus humbles. Viva Lula, baby. Viva Lula, Madusami. Viva Lula, tu me reviens chérie. Viva Lula, tu me souris. Viva Lula, tu Luiz Inácio Lula da Silva est donc élu président en 2002 et réélu en 2006 avec plus de 60% des suffrages. Mais malgré quelques scandales de corruption et l'absence de probité dans la classe dirigeante, le peuple brésilien, lui, continue d'aimer son président Lula. Tu sais, je vais t'aimer, même sans ta présence, je vais t'aimer. Même sans espérance, je vais t'aimer tous les jours de ma vie. Dans mes poèmes, je t'écrirai, c'est toi que j'aime, c'est toi que j'aimerai tous les jours de ma vie. Et je sais que vous chorar. A cada ausência tua eu vou chorar, mas cada volta tua há de apagar o que esta tua ausência me causou. Eu sei que vou sofrer a eterna desventura de viver, à espera de viver ao lado teu por toda a minha. Tu sais, je vais t'aimer, c'est ce que chantent ensemble Henri Salvador et Gilberto Gil, le ministre de la Culture du gouvernement brésilien. Crois-tu que chez nous, il eût été possible que M. Don Dieu de Vavre se lance dans une carrière d'intermittent du spectacle ? Mash Canada, oui. Alors maintenant, après avoir survolé l'histoire du Brésil, il est temps désormais, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser durant quelques minutes aux images d'Épinal que nous accrochons sur le dos des cariocas. Oui, mon ami, quels sont les clichés qui collent à la peau bronzée des Brésiliens ? Eh bien, parmi les toutes premières curiosités que compte le Brésil, il y a bien entendu ce célèbre drapeau national que certains mauvais esprits jugent parfois farfelu. Mais connais-tu la véritable signification de ce drapeau brésilien ? Il fut institué le 15 novembre 1889 suite à la déclaration d'indépendance du Brésil. Les principales couleurs y symbolisent les richesses du pays. Le vert pour la forêt équatoriale et le jaune pour toutes les ressources que contient le sous-sol. Le globe central, lui, de couleur bleue, représente le ciel agrémenté de 27 étoiles qui correspondent à l'ensemble des États fédérés. Leur disposition astrale coïncide avec l'aspect du ciel de Rio du 15 novembre 1889 à 20h30, heure précise quand fut proclamée la République. Et enfin, sur le bandeau central est inscrit ceci, Ordem et Progresso, autrement dit ordre et progrès, qui n'est autre que la devise du positivisme fondée par le philosophe français Auguste Comte. Du coup, dans les années 70, bon nombre de Français sont allés à Rio notamment pour essayer de comprendre ce qu'était réellement le positivisme brésilien. Tandis que défile devant moi dans l'avenue du président Vargas depuis 21h, et il est déjà 4h du matin, des dizaines de milliers de participants aux écoles de samba de Rio. L'aube, puis le soleil, se lèveront sur la ville, que toujours et encore, corps en sueur et voix écorchées, généraux napoléoniens ou cangaceros, hommes des bois ou indiens, marquis poudrés de frimas ou rois éphémères, rythmeront les pas de sa majesté le samba, ici samba est masculin, majesté à l'instar du vieillard de la montagne, superbe mais écrasant. Superbe mais écrasant, la samba et le carnaval appartiennent évidemment à la carte postale brésilienne. Et puis bien sûr, dans notre imaginaire, vivre au Brésil, c'est également déguster des caipirinhas tout en scrutant les paires de fesses rebondies et huilées ou les pectoraux sculptés et imberbes sur la plage de Copacabana. Le tout sous un soleil au zénith. Encore que, faut faire gaffe, hein, parce qu'à Rio, le soleil tape si fort qu'à force, il te fait une vieille peau. Eh bien, nous terminerons sur une nouvelle souriante. Bronzée, Brigitte Bardot, venant de Rio, nous est rendue. Oui, elle est arrivée cet après-midi à Orly avec son chevalier servant, Bob Zaguri. Non, je ne peux pas parler parce que j'ai rien à dire, sauf que j'ai passé de bonnes vacances, que je trouve que vous m'accueillez très gentiment, mais j'espère que vous me laisserez mes vacances en France aussi. Pardon. Est-ce que vous retournez au Brésil, Brigitte ? Oui. Brigitte Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Aucune fille au monde n'est aussi sympa que toi, Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bardot, bravo. Au foie toutes les secondes, chaque homme a le cœur qui boit. J'ignore quel souvenir Brigitte a bien pu ramener de son voyage à Rio. Un Christ du Corcovado en miniature pour poser sur la cheminée à Saint-Tropez. Une serviette de bain imprimée du drapeau brésilien qui aurait sans doute fait son petit effet entre coquillages et crustacés. Ou alors un truc que je sais même pas si tu sais ce que c'est. Une choupette, savez-vous ce que c'est que ça? C'est un mot rigolo qui vient de Rio de Janeiro. Là-bas, chaque enfant, bercé par sa maman, s'amuse à chanter après avoir pris sa tétée. Mama, oh mama, oh mama, mama. Mama, c'est bon, une choupette, ah la choupette, ah la choupette, ah c'est bon la choupette. La choupette, une pure invention brésilienne, une tétine en quelque sorte. Cela dit, en général, quand ils inventent un truc, les Brésiliens, comment dire, on s'en souvient bien. Tiens, comme en 1986 par exemple. Et puis, par ces temps de frima, il n'est pas interdit de rêver, de penser à l'été. Et je n'ai pas pu résister ce matin à vous parler de la dernière invention brésilienne, le maillot de bain féminin qui fait fureur à Copacabana. Il a été baptisé fil dentaire, et ce n'est pas un hasard. plus fort encore que le string, d'où son nom. Côté pile, un fil presque invisible qui se glisse entre les fesses. Côté face, un triangle de tissu si étroit qu'il nécessite, paraît-il, une très sérieuse épilation. Chiche que l'été prochain, Brigitte, vous adopterez ce fil dentaire. Brésil. Et oui, du coup, forcément, comme soi-disant tout le monde se trimballe en string ficelle, là, eh ben, nous, en Europe, on s'imagine encore des trucs. Après le succès de la lambada, de la soca, TF1 lance la foumoila. C'est pas difficile, danser la foumoila. Un petit coup fortiné, un petit coup fortin. La foumoila, sponsorisée par les préservatifs Durex. Alors là, quand on sait que le Brésil est un des pays les plus catholiques du monde, avec 73% de la population qui est chrétienne, évidemment, je ne te raconte pas la tronche du pape quand il a entendu parler de la foumoila. Du coup, immédiatement, il s'est pointé à Sao Paulo le mois dernier pour remettre un peu d'ordre et de progrès. France Inter. Benoît XVI au Brésil, dans un pays réputé pour sa liberté sexuelle, presque une provocation pour le pape qui a fait la morale hier aux jeunes Brésiliens. Pas de sexe avant le mariage, non à l'avortement, non à la drogue, c'est son axe du mal à lui. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a, qui c'est celui-là? Complètement toqué, ce mec-là, complètement gaga. Il a une drôle de tête, ce type-là. Qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il a? Eh oui, n'en déplaise à Benoît XVI, mais au Brésil, l'ami. En réalité, la véritable religion, ce n'est pas le christianisme, mais bien entendu, les futebol. Alors justement, pour compléter maintenant notre panorama brésilien, il faut impérativement évoquer ici le ballon rond. Et pour cela, la panique a essayé ce matin de te concocter un petit montage loufoque et foutraque, bien sûr. Durée 2 minutes 35, pêle-mêle le roi Pelé pour commencer, un JT brésilien ensuite, puis Ronaldinho et enfin Thierry Roland. On découvre tout cela juste après le jingle brésilien. On ne présente plus Pelé. Tout le monde sait qu'il a disputé 4 Coupes du Monde de football, qu'il a été 2 fois champion du monde des clubs avec Santos, qu'il détient le record des sélections en équipe nationale avec 107 rencontres disputées. Pelé a marqué au cours de sa brillante carrière près de 1100 buts. Et on se souvient qu'il y a à peu près un an, on attendait avec impatience au stade du Maracanã au Brésil que sa majesté, le roi Pelé, marque son 1000e but. Prepara-se agora, Tostão cobrou para Ribeirinho e mandou a boca na meta, pula a peneca, meteu gol! Gol! Brasil! Bonsoir. Au sommaire ce soir, sport avec la demi-finale de football São Paulo contre Rio de Janeiro. Fait divers, chute d'un footballeur de Recife lors d'un match de football. Météo, soleil ou pluie sur Bahia pour la finale de football samedi prochain. Un tremblement de terre à Brasilia, 1200 victimes, des milliers de disparus, mais je vous rassure, le terrain de football n'a pas été touché. Bonsoir. Ronnie, le Brésil est le grand favori, personne ne peut vous battre. Vous êtes en pleine préparation? Ah non, Brasil pas gagné, Brasil pas préparé, Brasil está quitte, Brasil va perdre. Quoi? Vous avez peur, mais de quelle équipe? Les Pays-Bas? L'Argentine? Non, ce qui fait peur au Brasil, c'est Pascal et... Chimbanda! Chimbanda! Chimbanda! Juste regardez à la 45e minute. A suite été. Mais il y a le corner qui arrive. Hein. Oui, oui. Est-ce que l'histoire va se répéter? Gourcuff. Et but ! Zidane ! Le doublé de Zidane ! Je vous avais dit, il y avait le corner qui venait, il y a eu deux corners. Et c'est le doublé de Zinedine Zidane. Juste avant la mi-temps, l'équipe de France mène 2-0 face au Brésil au Stade de France. I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17. Rehab, c'est le nouveau titre d'Amy Winehouse sur son dernier album intitulé Back to Black, autrement dit Retour au Noir. Retour au Noir, c'est aussi la devise de la Seleção lorsqu'elle voit se pointer désormais l'équipe de France de football, puisque depuis 1958, nous n'avons plus jamais perdu en compétition officielle, dis donc, contre les artistes brésiliens. Alors maintenant, pour prolonger nos péripéties sud-américaines, il est temps désormais à 11h33 de te raconter ce curieux voyage à Rio que se sont offerts cette semaine président Chirac et Dominique de Villepin, dans l'espoir bien sûr de se requinquer depuis qu'ils sont devenus tous les deux les sans domicile fixe de la République. Voilà donc 15 jours que président Chirac et Dominique de Villepin ne sont plus à la tête de l'État. Qu'ont-ils fait depuis ? Eh bien, président Chirac, lui, a multiplié les visites au musée Guimet et il s'est empiffré de tête de veau. Quant à monsieur de Villepin, lui, il ne court plus tous les matins puisqu'il considère désormais que le jogging, c'est franchement ringard. Du coup, il vient de relire la correspondance qu'entretenait Napoléon Bonaparte avec Joséphine de Beauharnais. Seulement voilà, très vite, nos deux compères se sont ennuyés sévère. En réalité, face à la berlusconisation du pouvoir, nos deux gaullistes flirtaient avec la dépression. Il fallait immédiatement réagir. C'est pourquoi président Chirac a alors proposé à Dominique de Villepin de s'offrir un petit voyage à Rio. C'est ainsi que lundi dernier à 13h15, ils ont embarqué à Roissy tous les deux direction le Brésil et visiblement, monsieur de Villepin, lui, semblait très heureux de prendre l'avion. Vous aimez l'avion, vous ? Moi, j'aime bien prendre l'avion. Marqué la dernière fois, on a eu un problème. On a bien failli rester. On a quitté la piste, on s'est planté dans un champ. Ça arrive plus souvent qu'on ne croit, il paraît. Ça y est, on décolle. Enfin, j'espère. Bon, ben, ça va. On arrive en bout de piste, non ? Merde ! Ça va pas crier comme ça, vous m'avez fait peur. Quelque peu nerveux, président Chirac a tout de même fini par s'endormir sur ce vol Paris-Rio. Et après 11 heures de vol, compte tenu du décalage horaire, ils finissent par atterrir lundi soir à 21h15 avec un soleil couchant sublime et une température extérieure de 24 degrés. Après avoir récupéré leur voiture de location, ils longent la plage de Copacabana en direction de leur hôtel. Et là, dans la bagnole, Dominique de Villepin n'en croit pas ses yeux. Elles sont si belles, les cariocas, qu'on a envie, quand on les voit, de les embrasser toutes à la fois. Elles sont si belles, les cariocas, on n'a que l'embarras du choix. Il y en a partout, il y en a ici et il y en a là. Très vite, l'ambiance est estivale dans la bagnole. Dominique vient d'enfiler une chemise à fleurs et président Chirac, lui, au volant de la caisse, vient de glisser un disque de Sergio Mendes. Seulement voilà, malgré la fièvre de Rio, Dominique a tout de même un coup de barre ce soir. Et président Chirac se veut paternel à son égard. Je vais vous déposer à l'hôtel. J'ai un peu mal à la tête. Vous allez où, vous ? Sony Club. Je vais prendre deux aspirines et dormir un bon coup. C'est quoi le Sony Club ? Un bar à pute. Peut-être pas bon que je me couche maintenant pour le décalage horaire. Oui, j'ai peur de me réveiller très tôt demain matin. Au mieux que je me couche pas tout de suite. Je l'accompagne. C'est ainsi que trois quarts d'heure plus tard, nos deux compères sont donc installés dans les sofas du sulfureux Sony Club. Ils picolent du Porto allègrement quand tout à coup, une musique endiablée fait bondir ensemble Jacques et Dominique sur la piste du Sony Club. Youpi, dansons la carioca, c'est bien, faites tous comme moi. Youpi, avec la carioca, tant pis s'il faut dire aux autres danse. Au revoir. Alors là, vraiment, Dominique dit à président Chirac que ce voyage à Rio se présente sous les meilleurs auspices, dis donc. Après ce pas de carioca, nos deux compères retournent s'abreuver au bar. C'est alors que Dominique de Villepin aperçoit deux somptueuses brésiliennes. Mais il s'étonne d'un truc. Elles sont toutes seules. Il y a probablement une raison. N'arrête pas de regarder vers moi. Peut-être qu'elles sont avocates. Quelle horreur. Garçon, qu'est-ce que tu fais ? Je vais leur faire passer un verre. Quoi qu'elle soit très jolie, ça ne me dit rien. Je vais finir ce verre et puis après je te laisse te débrouiller tout seul. Je n'ai pas du tout l'intention d'être infidèle. C'est une expression qui ne veut rien dire. Est-ce que goûter aux joies de la vie, en savourer toute la magie, est-ce que c'est ça être infidèle ? Il y a trop longtemps que nous sommes morts. Président Chirac, en vieux sage, préfère éviter les embrouilles brésiliennes, alors que Dominique, lui, chaud bouillant et fringant retraité, dévisage sauvagement l'une des deux donzelles de Rio. D'ailleurs, cette jeune femme sent bien qu'elle est en train de vivre un truc. Cet homme est là qui me regarde, je m'y accroche par mes gardes. Je n'ai pas su baisser les yeux, il semble en être très heureux. Il prend cela pour un aveu, mes yeux sont noirs, les siens sont bleus. Oh, oh, oh, quelle histoire! Il va croire que je le veux. Oh, oh, oh, oh, comment faire? M'en défaire si je peux. Dans la moiteur de cette première nuit à Rio, Dominique de Villepin ne doute absolument pas que la baraka puisse lui faire défaut ce soir. C'est pourquoi, vêtu de sa chemise à fleurs, il s'avance nonchalamment vers cette jeune femme brésilienne. Il s'installe confortablement près d'elle et amorce une courtoise discussion, digne, chers amis, des plus grands ambassadeurs. La jeune femme séduite se prête au jeu d'ailleurs. Que pensez-vous de votre première journée à Rio ? Les brésiliennes se suivent et ne se ressemblent pas. Vous en avez rencontré beaucoup ? Une de trop. Merci. Je dis que je parlais de vous. Vous voyez encore ce fichu caractère. Les brésiliennes sont comme ça. Vous n'avez pas tout à fait le type brésilien, il me semble. Mon père est brésilien et ma... Et votre mère est suédoise. Non, pas du tout. Ma mère est norvégienne. Skål. Skål. Quel polyglotte ce Dominique. Mais bon, après une bonne heure de séduction, Dominique s'impatiente parce que bon, faudrait bien savoir quoi si enfin bon, tu vois quoi, elle veut ou elle veut pas la brésilienne là. Nem vem que não tem. Nem vem de garfo que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem. La prestation en brésilien de Dominique de Villepin ravit l'ensemble des clients du Sony Club. La jeune brésilienne, quant à elle, se sent acculée et demande à Dominique de l'attendre quelques instants le temps qu'elle passe aux toilettes. Dominique en profite alors pour rejoindre Président Chirac, toujours installé au bar, pour lui annoncer qu'il va sans doute conclure l'affaire. Sauf que voilà qu'un carioca s'avance vers eux pour obtenir quelques éclaircissements. C'est vous qui avez traité mon ami de pute ? Non, c'est lui. Mais non, personne n'a traité personne de pute. T'as mal entendu, y a pas de raison de s'énerver. C'est pas vrai, il a même dit qu'elle valait $30. 50. Le lendemain matin, au Copacabana Palace, Dominique de Villepin se réveillait seul dans sa chambre avec une migraine redoutable pendant que Président Chirac, lui, prenait son petit déjeuner. C'est alors qu'un certain Seigneur Santos s'est approché de sa table puisque visiblement il y avait un souci avec tout le fric que Chirac et Villepin avaient craqué la veille au Sony Club. Méfiant, Président Chirac cherchait à en savoir un peu plus sur cet étrange Seigneur Santos. Vous êtes un collaborateur de la banque, Seigneur Santos ? Non, Seigneur. J'appartiens au service des enquêtes de la police brésilienne. Ah, avez-vous découvert quelque irrégularité dans mes papiers ? Non, Seigneur. Vos papiers sont tous parfaitement en règle. Il y a une irrégularité cependant, Seigneur. Cela concerne en l'occurrence votre compte à la banque. Aurais-je un découvert ? À la date d'hier, j'avais approximativement 7 millions de cruceros à mon crédit. Les billets sont faux. J'apprécie médiocrement votre humour, Seigneur. Les billets remis sont faux, ainsi que les billets que vous avez échangés pour des devises brésiliennes. Ils sont tous faux, sans exception. Oh là ! Immédiatement, Président Chirac a flairé l'ampleur du problème. Depuis, a priori, nos deux compères ont quitté Rio tout feu tout flamme. En pleine nuit, une sirène appelle au feu tous les pompiers. Et tout Rio qui se réveille voit brûler l'usine de café. Il n'y a pas de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux de lancer de la grande échelle? Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Pas de panique, il nous les faut. L'incendie là-bas fait rage et le ciel est noir de fumée. Et tous les gens dans les étages se disent mais que font les pompiers? Il n'y a plus de temps à perdre, sinon tout le quartier va brûler. Oui, mais voilà, pendant ce temps-là, à la caserne, on entend les pompiers crier. Qu'est-ce qu'on a fait des tuyaux? Mais non, c'est la grande échelle. Dans le vide, tout le quartier avait brûlé. Il ne restait plus que des ruines sur les centaines de mètres carrés. Quand tout à coup, dans le jour blême, on vit à courir un pompier qui s'écria : je viens de la barre du capitaine pour dire de ne pas vous énerver. On a retrouvé les tuyaux, j'ai lancé la grande échelle, mais on est en panne d'auto, et on cherche la manivelle. L'incendie à Rio, c'est celui qu'essayait d'éteindre en 66 l'inoubliable Sacha Distel. Mais c'est surtout la catastrophe qui menace la forêt amazonienne où 52 000 km² partent en fumée chaque année. À ce rythme, d'ici 40 ans, la forêt amazonienne aura totalement disparu et il n'y aura donc plus d'incendie à éteindre au Brésil. Alors, pour prolonger notre périple brésilien, il est grand temps maintenant, à 11h45, de retrouver nos deux cariocas franchouillards, les formidables Monique et Jean-Claude. En effet, le week-end prochain, Monique et Jean-Claude sont invités à un mariage, qu'on ne manquera pas de te raconter dans 15 jours, bien sûr. Et comme Monique veut absolument épater la galerie, elle a décidé d'apprendre la bossa nova et la samba. Et oui, parce que même le Jean-Claude sait que le mieux pour s'amuser, c'est bien connu. C'est la samba brésilienne qui permet aux parisiennes, sans savoir l'air d'y toucher, chaque nuit de goûter les petits à côté du péché. C'est la samba brésilienne, née d'une chanson païenne, qui sent le moindre faux pas. Dans les bras d'un beau gars vous invite aux ébats de là-bas. Dansez, dansez, dansez tous la samba. Dansez, dansez, mais n'exagérez pas. Hey ! Et pour apprendre la samba, rien de tel donc que d'aller passer une soirée dans une boîte brésilienne. Monique a donc réussi à convaincre Jean-Claude de passer la soirée dans une boîte brésilienne. L'ambiance est chaleureuse, mais Jean-Claude est grognon. Malgré l'insistance de Monique, ce soir, il ne veut pas danser. Cela dit, très vite, il se décontracte quand il aperçoit que le club est rempli de très belles femmes à la plastique remarquable. Pendant que Monique est en train de se déchaîner sur la piste de danse, Jean-Claude, qui lui refuse d'aller danser, entame une conversation avec une très belle femme assise au bar. Il commence par lui demander son prénom. La réponse est plutôt inattendue. Moi, je m'appelle Lolita. Et quand je rêve au loup, c'est Lola qui saigne. Oh Lolita. Cette voix grave, ce maquillage, bref, Jean-Claude se rend compte qu'il est peut-être dans une soirée brésilienne, mais qu'il est sûrement dans une boîte de travestis. Ce qui sidère surtout Jean-Claude, c'est que cette voix grave, il la reconnaît immédiatement. C'est celle d'Éric, un ancien camarade de régiment. Jean-Claude se trouve toujours dans cette soirée brésilienne spéciale travestie et il discute avec son ancien camarade Eric, devenu depuis Lolita, une femme sublime. Jean-Claude essaie de comprendre et pose des questions auxquelles Lolita répond. Là, dans toute l'allée, je suis le seul français, bon oui, parmi tous les Brésiliens. Ah quand même, tu dis le seul français. Le seul français. C'est quand tu parles de toi, tu parles tout au masculin. Oui, ben non, parce que c'est pour... C'est pour toi, je vais pas dire la seule française. Toi, quand tu parles de toi, tu parles au masculin? Mais non, mais je parle au féminin, mais là, je dis français. Jean-Claude est complètement chamboulé que son ancien pote, avec qui il a fait l'armée, soit devenu travesti. Mais le courant passe bien entre les deux camarades. Ce qui surprend surtout Jean-Claude, c'est l'énorme paire de seins d'Éric, qui en est très fier d'ailleurs. Ils sont beaux, tu trouves pas? Quoi? Mes nichons. Oui, ils sont super. Merci. Oui, ils sont super. Mais Eric, alias Lolita, doit quitter Jean-Claude car c'est l'heure de son numéro. Lolita effectue donc devant un public conquis une incroyable imitation d'Astrud Gilberto tout en pratiquant une danse lascive. Le public est ravi et applaudit à tout rompre, surtout Monique et Jean-Claude. D'ailleurs, de retour auprès de nos deux héros, Lolita et Eric demandent à Jean-Claude comment il la trouve en femme. Ce à quoi Jean-Claude lui répond que... J'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule, j'aime trop ton boule de mec. mec. J'aime quand tu shake ton booty, mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake. J'aime quand tu shake ton booty, mec. J'aime quand tu booty shake. J'aime quand tu shake ton booty shake, shake, shake. Lolita est habituée à un peu plus de retenue et se tourne cette fois vers Monique pour savoir ce qu'elle a pensé de sa prestation. Car ce qui angoisse le plus Lolita, c'est que l'on découvre sa masculinité derrière son maquillage de femme. Mais Monique la rassure. Quand tu chantes, quand tu chantes, quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Quand tu chantes, ça va. Et Monique repart en courant sur la piste de danse au rythme de la samba. C'est alors qu'arrive auprès de Jean-Claude un ami de Lolita, Robertão, un authentique Brésilien. Je suis Brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Plus riche aujourd'hui que naguère Paris, je te reviens encore. Je suis Brésilien, j'ai de l'or et j'arrive de Rio de Janeiro. Paris, Paris, Paris, Paris, je te reviens encore. Hourra, hourra, hourra, je viens de débarquer. Mettez vos faux cheveux cocottes. Hourra, hourra, hourra, j'apporte à vos canons toute une fortune à croquer. Jean-Claude lui répond sobrement « Bonsoir madame ». Robertão, elle, attrape la main du Jean-Claude et tente de le conduire sur la piste de danse. Mais pour Jean-Claude, ce n'est pas possible. J'ai pas dansé, ni me balancer, me balancer. Ça me fatigue de me trémousser. J'ai pas dansé, pas dansé. J'ai pas dansé, pas dansé. Ni me balancer, me balancer. Ça me fatigue de me trémousser. J'ai pas dansé, pas dansé. Malgré les protestations du Jean-Claude, Robertão réussit à le conduire sur la piste où il retrouve Monique tout étonnée et ravie de voir son Jean-Claude se trémousser sur un air de samba. Il est vrai que Robertão mène la danse avec Maestria, ce qui épate le Jean-Claude. Quand tu souris, je m'envole au paradis. Je vais à Rio de Janeiro. Je prends ta main. Et nos cœurs font plus de bruit que toutes les cymbales du carnaval. Tu m'entraînes dans la foule d'une fête qui déroule ses ailes, ses dentelles. Et je suis riche de rêves comme le sont les gens pauvres de là-bas. Jean-Claude aimerait pouvoir danser jusqu'au bout de la nuit, mais il est tard et Monique a mal aux pieds. Il est temps de rentrer. Et après avoir dit au revoir à Lolita, Jean-Claude va faire la bise à Robertão, qui lui rappelle que... Si tu vas à Rio, n'oublie pas de monter là-haut. Dans un petit village caché sous les fleurs sauvages, sur le versant d'un coteau. Si tu vas à Rio, si tu vas à Rio, si tu vas... Jean-Claude promet qu'il y pensera. Ce fut une excellente soirée pour Jean-Claude, qui s'est fait plein de nouveaux amis. Tout le monde le surnommait Chouchou d'ailleurs. Monique, elle aussi, était ravie. Et elle aussi a eu un surnom. Les Brésiliens m'ont surnommé la folle de Rio. Mais les enfants me donnent un nom plus rigolo. Oh, oh, oh, Tata Yo-Yo. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau? Tata Yo-Yo. Dans ma tête, il y a des tas d'oiseaux. Tata Yo-Yo. On m'a dit qu'il y a même un grelot. Mais moi, j'aime ça. Quand ça fait ding ding ding ding comme une samba. C'est donc au rythme de la samba, ivre de bonheur et de caipirinha, que Jean-Claude et Monique sont rentrés se coucher. Ils se sont promis de retourner voir souvent leurs nouvelles amies brésiliennes et brésiliens, leurs nouveaux frères d'armes qu'ils sont prêts à accueillir. Brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec tes larmes, ô toi qui pleures avec tes dents, viens visiter l'Occident, ici les chanteurs de charme sont morts depuis bien longtemps. brésilien, mon frère d'armes, sur le parcours du cœur battant, toi qui ris avec des larmes, en perlant dedans tes cils, débarque avec ton Brésil. Et comment? Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe, enlève les grains. Tu vas nous jouer l'étude, la douce étude du chagrin. Tu vas nous toucher un brin, ta guitare plénitude, libère-nous de nos freins. Brésilien, l'amour est rude, voici l'herbe, enlève les grains. Ta guitare plénitude, caresse lui le nombril. Débarque avec ton Brésil. Hey. Oh. Brésilien, la nuit est belle sous son grand goût de carnaval. Ta musique me ficelle tel un cordon ombilical à son ventre de cristal dont le pistil n'étincelle que pour mon bonheur buccal. Brésilien, la nuit est belle sous son grand goût de carnaval. Ta musique me ficelle comme un fils à son Brésil. Débarque avec ton Brésil. Débarque avec ton Brésil. Débarque avec ton Brésilien, c'est ce que chante Claude Nougaro en 75 sur un album intitulé La Statue de l'Homme, un peu comme celle du Christ Rédempteur qui protège Rio depuis 1931 et tous les saints des filles en monokini sur la plage. Alors nous voici donc arrivés au terme de nos pérégrinations dominicales et brésiliennes. De Benoît XVI à Sao Paulo, à Président Chirac dans les clubs de Rio, d'Oscar Niemeyer à Jean-Claude n'est pas pire, et de Président Lula au Roi Pelé, nous t'avons dressé un panorama subjectif et incomplet, bien sûr, de ce que peut être le plus grand pays d'Amérique latine. Alors bien sûr, une fois de plus, on s'est amusé ce matin avec les clichés et les stéréotypes brésiliens. Évidemment, on a bien conscience ici qu'au Brésil, il n'y a pas que des prostituées en string et en strass qui jouent au ballon sur la plage de Copacabana pendant le carnaval de Rio. Bien sûr que non. Au Brésil, il y a aussi les meilleurs joueurs de foot au monde qui dansent la samba en string. Et puis surtout, il y a des philosophes qui jouent au ballon sur la plage. C'est une jolie bande de joyeux fêtards qui se couchent à l'aurore et se lèvent très tard, ne pensant qu'à aimer ou jouer de la guitare. Ils n'ont dans la vie que cette philosophie. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. Nous avons toute la vie pour nous amuser. Nous avons toute la mort pour nous reposer. C'était Georges Moustaki, le vieux sage antique qui s'intéresse à la philosophie brésilienne. Voilà, fin du 81e épisode, tout le monde descend, faites gaffe de ne rien avoir oublié, c'était C'est comment le Brésil, revu et corrigé par la bande de furieux du Mange un Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h en direct sur France Inter pour une nouvelle aventure, Total Foutrac et Archi Loufoque bien sûr. Panique au Mange un Palace, c'est une émission coécrite, les doigts dans la prise avec le professeur Mauduit, un ami précieux. Merci à toi Xavier, au platine, au montage et à l'area. Il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui de Pierrick Monsigny et d'Aurélie Fortin. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation et les recherches sonores, on dit merci beaucoup à Catherine Pinto. Merci Catherine. Merci aussi à Perrine Reversa, notre stagiaire. Pour les scuds et toutes ces trouvailles, on a l'inépuisable Thierry Dupin, qu'on remercie également vivement. Merci aussi beaucoup à Olivier Lefayère pour toutes ses idées complémentaires et à Philippe Chalinier de l'INA. Voilà, pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mange un Palace possède un site internet sur franceinter.com où vous pourrez dans quelques minutes récupérer l'émission pour une balado-diffusion, autrement dit le podcast. La journée continue sur France Inter. Après le flash, vous retrouvez Chris pour son crumble. Allez, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve donc dimanche prochain à 11h en direct sur France Inter. Mais surtout, surtout, d'ici là, ne lâchez rien. Ciao. Travelo, du brésilien Travello, femme à poil. Exemple, les escarpins, vous les avez en 43, à Mandalire ?